franceinter.fr. C'est sans doute les 12 jours les plus dangereux que le monde ait jamais vécu. 12 jours d'octobre 1962, restés dans l'histoire comme la crise des missiles de Cuba, où l'on est passé tout près de la guerre nucléaire. Alors, pour commencer, quelques observations. Il faut d'abord se féliciter qu'en dépit des surenchères et des vociférations des « va-t'en guerre », le sang-froid l'ait emporté de part et d'autre chez les deux super-grands. Ensuite, il faut constater un demi-siècle plus tard que de nombreux aspects de cette crise demeurent obscurs, en particulier l'action des services secrets. Enfin, il faut remarquer qu'au cours de cette crise, au moins à deux reprises, se sont produits des événements fortuits échappant au contrôle des dirigeants et des états-majors, des incidents tellement graves qu'ils ont failli provoquer le pire et donc l'ultime déflagration. Monsieur X revient sur l'histoire de cette crise que l'on a, un peu trop simplement ou naïvement, résumée à un duel psychologique entre deux hommes, les deux K, Khrouchtchev et Kennedy. Auparavant, je vous propose cet extrait éclairant d'une interview de Robert McNamara, qui était le secrétaire à la défense de John Fitzgerald Kennedy au moment de la crise. Il y a eu beaucoup trop de foutue peur dans cette guerre des missiles. Il n'y a aucun doute que la crise a été résolue à cause de la peur des retombées négatives dans le cas où on poussait le bouchon trop loin. Lisez Khrouchtchev, il était terrifié. Lisez le livre de Bobby Kennedy, le président aussi était terrifié. Et l'ensemble de cette maudite crise a commencé parce que les Soviets étaient terrifiés. Vous voyez ? Du début à la fin, la peur a dominé. Hey! Même s'il est difficile de dater précisément le début de la crise, le premier signe remonte au mois d'avril 1962. Survolant Cuba, un avion espion américain U-2 photographie ce qui pourrait bien être des rampes de lancement de missiles en voie d'installation. Ensuite, et surtout à partir du mois de juin, les agences de renseignement américaines observent une multiplication des livraisons de matériel soviétique à destination de Cuba. Oui, mais à l'époque, on ne sait pas ce dont il s'agit. Hein. Et dès le mois d'août, le patron de la CIA, John McCone, s'est forgé une conviction. Ce sont des missiles nucléaires qui sont en train d'être livrés. Et il en rend tout de suite compte à Kennedy. Naturellement. Ouais. Réaction de JFK, là. Bon, il ne s'affole pas. Et en parfait accord avec son frère Robert et les huiles du Pentagone, bah, il préfère attendre et surtout essayer d'en savoir plus. Par ailleurs, une source humaine vient conforter le sentiment du patron de la CIA. Et qui ça? Un agent français du SDEC, chef de poste à Washington. Envoyé en mission à Cuba, il aurait recueilli des renseignements selon lesquels des fusées à moyenne portée seraient en cours d'installation. Notre ambassadeur à La Havane signale également les arrivées nocturnes de soldats soviétiques qui, aussitôt, dans l'île, revêtent un uniforme cubain. Enfin, les services français informent leurs homologues états-uniens que les autorités de l'île procèdent à de grands travaux de déblaiement dans le nord. Bref, quelque chose se prépare. C'est évident. Et Kennedy a beau annoncer début septembre devant le Sénat que Cuba ne s'est pas doté d'armes offensives. Il n'en décide pas moins la préparation d'une éventuelle mobilisation de 150 000 réservistes. Donc il n'est pas si rassuré que ça. Hein. Et il faut dire que cette affaire de Cuba lui colle à la peau, pratiquement depuis son élection et sa prise de fonction en janvier 61. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Pratiquement. Mais JFK a aussi sur les bras un autre dossier international d'importance. Oui, Berlin, j'imagine. Oui. Alors, voyons ça dans l'ordre. Et d'abord Cuba. C'est au début de l'année 1959 que Fidel Castro et ses compagnons ont chassé le dictateur corrompu Batista qui régnait sur l'île avec la complicité des Américains. Et celle de la mafia, hein, qui contrôlait les casinos, la prostitution, etc. Oui, c'est exact. Et très vite, la Maison Blanche, c'est encore Ike Eisenhower qui en est le locataire, manifeste son hostilité au nouveau pouvoir. Ouais. Au début, Castro n'a pas encore choisi de s'aligner sur le camp soviétique. Ah ben, il n'est même pas communiste. Et c'est Washington qui va en faire très vite un ennemi de l'Amérique. Je vous résume à grands traits. Dès 1960, Eisenhower donne l'ordre à la CIA de mener des actions contre Castro. De l'autre côté, le numéro un soviétique ne tarde pas à menacer. Khrouchtchev déclare en substance, si Cuba était agressée par les forces américaines, les artilleurs soviétiques pourraient bien venir au secours du peuple cubain avec leurs fusées. Ouais, une déclaration qui provoque un tollé aux États-Unis. Bien entendu. Et dans la foulée, les Cubains signent un accord commercial avec l'URSS. Puis en juillet, Che Guevara annonce que Cuba fait désormais partie du camp socialiste. Conséquence, tous les biens américains sur l'île sont saisis. Washington réagit en imposant un embargo sur toutes les exportations à destination de Cuba. Et JFK va rester sur la même ligne. D'autant qu'au cours de sa campagne, il a promis d'aider l'opposition cubaine. Et ici, il faut le rappeler que la mafia lui a donné un sérieux coup de pouce par l'intermédiaire de son père, le vieux Joe Kennedy. Par conséquent, le nouveau président laisse Allen Dulles, le patron de la CIA, poursuivre ses préparatifs d'invasion de Cuba. En refusant toutefois que des militaires américains soient directement impliqués. Oui, mais enfin ça c'est une fiction, car en réalité le Pentagone soutient matériellement les émigrés cubains qui préparent l'invasion de l'île. La suite, c'est en avril 1961 le désastreux débarquement raté de la baie des Cochons. Un véritable fiasco pour l'Amérique. Et son jeune président qui malgré tout en assumera personnellement la responsabilité. Kennedy, qui à la dernière minute a refusé que les forces états-uniennes s'engagent aux côtés des contre-révolutionnaires. D'où la haine que lui voueront ensuite les émigrés cubains et les gangsters. Et qui explique peut-être pourquoi, en novembre 63, JFK sera assassiné à Dallas. Mais voyons la suite. En décembre 1961, pour la première fois, Fidel Castro se proclame marxiste-léniniste et craignant une nouvelle attaque, il presse Khrouchtchev de lui envoyer des armements modernes pour doter une armée cubaine sous-équipée. En février 1962, nouvelle accélération de la tension. Les Américains mettent en place un embargo encore plus dur, tandis que Cuba est expulsé de l'Organisation des États américains. Ouais. À cet instant, la Maison-Blanche a-t-elle renoncé à intervenir directement à Cuba? Ah, pas tout à fait. Un plan a été sérieusement envisagé. l'opération Mangouste. De quoi s'agissait-il ? Cette idée, initiée sous la présidence Eisenhower, consiste à provoquer un effondrement intérieur du régime cubain par tous les moyens, notamment l'assassinat de dirigeants cubains avec la complicité de la mafia. Mais au cours de l'été 62, ce programme sera abandonné. Même si la CIA continuera à élaborer des projets d'assassinat de Fidel Castro. En effet. Alors, un mot maintenant sur l'autre point chaud du globe en ce début des années 60, Berlin. Un bref rappel, la guerre des nerfs a commencé en 1958 lorsque Khrouchtchev a annoncé qu'il allait transférer à l'État souverain de RDA les fonctions encore assumées par les services soviétiques à Berlin. Et de fait, ça signifie la rupture du traité signé par les quatre puissances qui occupent encore l'ancienne capitale du Troisième Reich. Et ça débouche sur un ultimatum. Soit l'Occident accepte de négocier pour faire de Berlin une ville libre, capitale de la RDA, soit une paix sera signée entre l'URSS et la RDA au plus tard en décembre 1961. Dans ce cas, l'URSS ne reconnaîtra plus aux Occidentaux le droit d'occuper Berlin et donc d'y accéder en traversant le territoire souverain de la RDA. Et pour l'Ouest, ça, c'est inacceptable. Bien sûr. Le président Eisenhower menace à son tour. S'il le faut, il utilisera l'arme nucléaire pour défendre l'Allemagne de l'Ouest. Mais après une série de rencontres internationales, Khrouchtchev fait une surprenante volte-face. Il prétend qu'il n'a jamais été question d'un ultimatum. Toutefois, il réaffirme que ses exigences n'ont pas changé. Ouais, il souffle le chaud et le froid, quoi. Mais c'est coutumier chez M. K. En tout cas, on pense que la crise va se dénouer en mai 1960 à l'occasion d'un sommet qui doit se tenir à Paris. Mais Khrouchtchev prend prétexte de l'affaire de l'avion espion U-2 abattu au-dessus de l'URSS pour faire échouer la conférence. Et début 1961, JFK, à peine élu, Khrouchtchev réitère, Berlin est comme une dent cariée dans une mâchoire. Il faut donc l'extraire. C'est ça. Et si le numéro 1 soviétique enfonce le clou, c'est qu'il a en face de lui un jeune président jugé inexpérimenté qui va en outre être affaibli par le fiasco de l'expédition de la baie des cochons. Bien au contraire, l'URSS a le sentiment de marquer des points grâce au formidable exploit de Gagarine, premier homme à tourner autour de la Terre. Oui, une victoire technologique. Et politique. Ouais. En juin 1961, à Vienne, les deux cas se rencontrent pour la première fois. Et ça se passe mal. Le soviétique remet sur la table son ultimatum. Les Occidentaux doivent quitter Berlin. Et gare aux États-Unis s'ils s'en prennent de nouveau à Cuba. Les Américains ne doivent pas oublier que l'URSS dispose de l'arme nucléaire. Mais JFK ne cède sur aucun sujet et commente, flegmatique, « Nous allons avoir un hiver froid ». À noter que Khrouchtchev a soulevé un point très épineux, la présence en Turquie, à la frontière de l'URSS, de fusées américaines. Un sujet qui va ressurgir lors de la crise des missiles. Enfin, forcément, car ces fusées ne sont pas moins dangereuses pour l'URSS que les missiles de Cuba le seront pour les États-Unis. Cependant, pour en finir avec Berlin, JFK infléchit implicitement sa position au cours de l'été, je résume. Mais il semble bien qu'il abandonne Berlin-Est au camp soviétique. Message reçu aussitôt, 5 sur 5, par Khrouchtchev, qui ordonne, en août 1961, la construction du mur. Il y aura pourtant une exacerbation de la crise un peu plus tard. Ouais. Fin octobre, oui. Au poste de Checkpoint Charlie, les chars américains et soviétiques se font face, prêts à s'affronter. Monsieur K cède le premier. Mais avant de retirer ses chars, il a reçu secrètement l'assurance que JFK en ferait de même. Cependant, à la même époque, et sans que personne n'y prête une grande attention, c'est une déclaration qui va véritablement amorcer la future crise des missiles. Une déclaration de qui ? De l'adjoint du secrétaire d'État américain. Il affirme que la prétendue supériorité soviétique en matière d'armement nucléaire est un bluff. Et ça aura de très importantes conséquences. Analyse des positions respectives de Kennedy et Khrouchtchev à la veille de la crise des missiles dans la revue Cultures et conflits en 2000 sous la signature de Jean-Yves N. Je cite. Conscient que le rapport des forces stratégiques était largement en faveur des Américains, Kennedy était inflexible sur Berlin, mais savait que cette position privilégiée ne durerait pas. À l'automne 62, il était prêt à tenter de trouver un arrangement raisonnable sur la question berlinoise. Mais si Moscou se montrait intransigeant, peut-être fallait-il précipiter l'épreuve de force. Pour sa part, Khrouchtchev cultivait une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis du monde occidental et se montrait parallèlement soucieux d'assurer le leadership du camp soviétique par rapport à son partenaire chinois. En bref, il était bien conscient de la précarité de sa position, mais avait besoin d'une victoire diplomatique. Et en quoi cette dénonciation là, du bluff soviétique était-elle si importante ? Pour plusieurs raisons, je vous explique. Les Américains avaient longtemps cru à ce qu'ils appelaient dans leur jargon un « missile cap », c'est-à-dire en bon français un écart en nombre de missiles en faveur de l'URSS. Ils en étaient d'autant plus persuadés que Moscou maintenait un secret total sur son équipement et ne manquait jamais une occasion d'user de désinformation sur l'état de ses forces. La déclaration péremptoire du secrétaire d'État adjoint américain était donc un coup dur. Oui, parce qu'il ne l'avait pas faite sans posséder quand même de solides informations. Et les Soviétiques savaient d'autre part que l'administration Kennedy avait consenti un impressionnant effort en matière d'armement nucléaire. Et déjà, ils avaient installé des centaines, peut-être des milliers de fusées intercontinentales en Europe. Dont certaines, m'avez-vous dit, étaient positionnées donc en Turquie, à la frontière de l'URSS. Oui, des engins obsolètes, mais qui menaçaient quand même sérieusement l'Empire soviétique. Il était donc tentant pour Khrouchtchev de répliquer. Par exemple, en installant des fusées à Cuba, au plus près du territoire américain. Mais la déclaration du dirigeant américain a aussi éveillé l'attention des services secrets soviétiques. Si le bluff de Moscou avait été dénoncé, c'est que des renseignements précis avaient été fournis aux Américains. Donc il y avait un traître quelque part en URSS. Et à un niveau très élevé pour avoir accès à des informations aussi secrètes. Le KGB va donc essayer de l'identifier. Au plus vite, oui, car les Soviétiques ne le savent pas encore, mais cette taupe est aussi en mesure de renseigner très précisément les Occidentaux sur les projets de Moscou à Cuba. Enfin, n'allons pas trop vite. Je vous propose de voir en détail ce qu'ont été le travail et l'action de cet espion, Oleg Penkovsky, l'un des plus importants du XXe siècle, dans un prochain entretien. D'accord. Et pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, là, quand les Soviétiques ont-ils pris la décision d'envoyer des missiles équipés de têtes nucléaires à Cuba ? Comme je vous l'ai laissé entendre, Khrouchtchev devait y penser depuis qu'avait éclaté la crise de Berlin. Et peut-être même avant, au moment de l'expédition de la baie des Cochons. Déjà, en août-septembre 1961, des accords militaires entre Cuba et l'URSS ont été conclus. Mais ce n'était pas suffisant pour le pouvoir cubain. Et pourquoi alors ? Parce qu'il s'agissait de livraison d'armements conventionnels. Or, ce que voulait Castro, c'était se mettre à l'abri d'un parapluie nucléaire soviétique. Une force de dissuasion nucléaire installée à Cuba. Exactement. Donc, le leader Maximo n'a eu de cesse de harceler Moscou pour avoir satisfaction. Ce qu'il a finalement pu obtenir. D'autant plus facilement que le maître du Kremlin y pensait depuis longtemps. Non pas qu'il se souciait particulièrement du sort de Cuba, mais dans sa stratégie d'affrontement avec l'Ouest, c'était une carte qu'il était décidé à jouer. Pour lui, il y allait d'abord du prestige de l'URSS. Donc Khrouchtchev ne s'est pas fait forcer la main. Bien au contraire. C'est au printemps 1962, entre avril et mai, que la décision est prise. Et il semble bien que ce soit M. K. en personne qui ait ordonné cet envoi de missiles nucléaires à Cuba, dans le plus grand secret, sans consulter le ministère des Affaires étrangères, ni même le KGB. Et ça, c'était possible ? Oui, Khrouchtchev était alors au fait de sa puissance au sein du comité central. Il s'y imposait non sans une certaine brutalité. Mais ça lui sera reproché plus tard. Il sera même accusé d'aventurisme. Et ça lui vaudra d'être débarqué en 1964. Mais s'il a été seul à prendre la décision, il lui a quand même fallu s'assurer de l'accord du Politburo. Ça a été fait dès le 10 juin 1962. À partir de ce moment, les chefs de l'armée rouge, d'accord ou pas d'accord, étaient obligés de suivre et de mener à bien la gigantesque opération secrète décidée par le Kremlin. Nom de code, Anadyr. Ce qui signifie, hein ? Bah, Anadyr, c'est une rivière sibérienne. Ah oui, mais pourquoi ce nom ? Bah, il fallait faire croire aux troupes qui seraient mobilisées et transportées par mer qu'elles allaient participer à des manœuvres dans l'extrême est de l'URSS. Mais en réalité, c'était vers Cuba qu'elle serait dirigée. Il s'agissait de tromper les Américains. Bien entendu. Mmh. Parce qu'un tel déplacement de forces armées, ça se remarque. D'autant qu'à l'époque, la surveillance aérienne a fait d'énormes progrès. Et puis, il peut toujours y avoir des fuites. C'est pourquoi les commandants des 85 cargos participant à Anadyr ont dû attendre d'être en mer pour décacheter les instructions ultra-secrètes qui leur avaient été remises. Oui, c'est ainsi qu'ils ont appris qu'il leur fallait mettre le cap sur Cuba. Autre précaution. Les soldats transportés ont eu l'interdiction de monter sur le pont pendant les heures de jour. Pour ne pas être repérés par des avions de reconnaissance. Ce qui a rendu ces séjours obligés en cale très pénibles à cette période de l'année. Ouais, l'été. Hein. Alors concrètement, là. Anadyr a pour objectif d'envoyer à Cuba quelques 50 000 hommes, 60 missiles nucléaires de portée moyenne et intermédiaire, des bombardiers moyens, Ilyushin 28, des missiles tactiques et encore des équipements antiaériens. Ah, les fameuses fusées SAM, là. Oui, des engins très performants, puisqu'au cœur de la crise, l'un des missiles sol-air parviendra à abattre un avion espion U-2. Enfin, ça, j'en reparlerai, car c'est un incident qui aurait pu mettre le feu aux poudres. En tout cas, Anadyr a été un incontestable succès. Les services de renseignement américains n'ont vu arriver dans l'île que 10 000 hommes. Ouais. Alors qu'il y en avait en réalité 40 000 de plus. Et là, on aborde l'un des points les plus incompréhensibles de cette affaire. Apparemment, au moins. Bah, expliquez-moi. Pour transporter clandestinement cette véritable armée, les Soviétiques ont donc usé d'un luxe de précaution. Or, plus tard, quand il s'agira d'installer les missiles sur leur pas de tir, ils n'essaieront même pas de les camoufler. Mais attendez, était-ce possible ? Ben, les endroits choisis en pleine jungle auraient certainement permis de dissimuler ces armements. Alors, votre conclusion ? Ben, les Soviétiques se moquaient bien d'être repérés. Peut-être même avaient-ils choisi d'être repérés. Pour montrer leurs muscles ? C'est une hypothèse, mais il y en a une autre. Mais j'y reviendrai, si vous le permettez. Une précision sur ces engins de mort installés à Cuba. Certains de ces missiles, les SS-4, selon la classification de l'OTAN, ont une portée de 2000 km. Donc ils menacent le sud-est des États-Unis. Mais d'autres, les SS-5, qui peuvent atteindre 4000 km, permettent de frapper presque tout le territoire états-unien. Cependant, on estime qu'au moment où débute la crise, ces fusées n'étaient pas encore opérationnelles. Alors, la chronologie, bah justement, je vous l'ai dit, depuis la fin du mois d'août, le patron de la CIA est certain que des missiles sont déployés à Cuba. Oui, mais apparemment, Kennedy ne s'affole pas. Mieux, face à une opposition républicaine déchaînée, il dédramatise pendant tout le mois de septembre. Il faut aussi dire qu'aux États-Unis, on est en pleine campagne électorale. Ouais, ce sont les élections de mi-mandat. Hein. C'est ça. Ouais. D'autre part, les Soviétiques ne cessent de nier avoir transporté à Cuba des armes nucléaires. Ça passe par des déclarations officielles de Moscou, mais aussi des contacts discrets entre un agent du KGB à Washington et Bob Kennedy. Les deux hommes se voient fréquemment, et le frère du président a confiance en ce personnage qui ne lui a jamais menti. En réalité, et le rappel des réservistes le prouve, l'administration américaine ne reste pas inerte, et le Pentagone prépare un plan d'attaque contre Cuba. Mais à la mi-octobre, l'affaire prend une toute autre dimension. Que se passe-t-il alors ? On présente à JFK des photos aériennes de Cuba qui montrent, sans aucun risque d'erreur, que des fusées soviétiques sont pointées vers le territoire américain. We'll be right back. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Pourquoi les Soviétiques n'ont-ils pas mieux camouflé les missiles qu'ils installaient à Cuba? Monsieur X a promis de répondre. En attendant, sur ce point, je vous propose un extrait du livre de Vincent Touze, intitulé « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale ». Castro se rendit vite compte de ce problème et demanda aux Soviétiques un traité officiel qui puisse être rendu public afin de constituer une couverture morale claire vis-à-vis de l'opinion mondiale. Cuba avait parfaitement le droit d'accueillir souverainement de l'armement nucléaire tout en respectant à la lettre la légalité internationale. En 1968, Castro fulminait encore contre l'erreur des Soviétiques. Ils ont recouru au mensonge en se refusant tacitement le bénéfice d'un droit et d'un principe. Par deux fois, il relança Khrouchtchev, envoyant d'abord son frère Raoul à Moscou en juillet. Mais Khrouchtchev écarta le danger du revers de la main. « Ne t'en fais pas, je vais prendre Kennedy par les couilles et qu'il ose venir me dire quelque chose, parce qu'après tout, eux, ils nous ont encerclés de base, comme en Turquie. » En août, Che Guevara se rendit à son tour avec un projet de traité rédigé de la main de Castro, mais Khrouchtchev souhaitait encore garder le secret. Le livre de Vincent Touze a été publié par André Versailles. Comment réagit Kennedy là, lorsqu'on lui présente ses photos aériennes? Il est furieux, ou en tout cas, il est fin de l'être. Mais que voulez-vous dire? Il est légitimement furieux parce que les Soviétiques n'ont cessé de lui mentir. Mais en vérité, il sait depuis un bon bout de temps que ses fusées à tête nucléaire se trouvent à Cuba. Et d'abord, parce que cette taupe soviétique dont je vous ai parlé a parfaitement informé les services de renseignement occidentaux. Quoi qu'il en soit, Kennedy doit réagir avec fermeté, parce que désormais, l'existence de ces missiles devient un secret de polichinelle. Alors, que va-t-il se passer? Kennedy crée une cellule de crise à la Maison-Blanche, l'ex-com, ou comité exécutif. C'est une émanation du Conseil national de sécurité qui réunit autour du président une vingtaine de responsables de l'administration, du Pentagone, de la CIA et des proches de Kennedy. Ce comité, qui va siéger en permanence, doit envisager toutes les solutions susceptibles de mettre fin à la crise. Mais pourquoi autant de monde? Assez sagement, JFK veut recueillir le maximum d'avis avant de décider. Des avis qui, on va le voir, sont le plus souvent contradictoires. Et d'emblée, lors de la première réunion, le ton est à l'agressivité. C'est-à-dire? La plupart des participants, à commencer par le président lui-même, se prononcent en faveur de frappes aériennes. Afin de détruire les missiles? Oui. Au cours des réunions suivantes, qui se tiennent les 17 et 18 octobre, deux camps se dessinent. D'un côté, il y a les faucons qui veulent en découdre au plus vite, et parmi eux se trouvent des militaires. Dean Acheson, un ex-secrétaire d'État, et Robert Kennedy. Tous sont partisans de l'invasion de Cuba. Et les colombes, hein? Dans leur rang, il y a Dean Rusk, le secrétaire d'État, et même Robert McNamara, le secrétaire à la Défense. Ceux-là sont conscients des risques encourus en cas de confrontation à Cuba. Et Kennedy lui-même, alors? Il écoute. Mais il laisse percer ses doutes. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est qu'une intervention armée donne lieu à une escalade incontrôlable, et donc à terme le déclenchement d'un conflit nucléaire. Une parenthèse ici. Si on sait aussi précisément ce qui s'est passé au cours de ces réunions fiévreuses, c'est que JFK a pris la décision d'enregistrer tous les débats, à l'insu des participants d'ailleurs. C'est une pratique à la limite de la malhonnêteté. Et plus tard, Nixon, qui enregistrait tout, l'apprendra à ses dépens. Mais je poursuis. Le 18 octobre au matin, les nouvelles sont préoccupantes. Les repérages aériens ont confirmé la présence à Cuba de ces redoutables missiles à long rayon d'action, les SS-5. En conséquence, le secrétaire d'État, Dean Rusk, ne croit plus qu'un raid limité soit possible. Mais parce qu'il entraînera automatiquement une riposte. Et donc le déclenchement d'un conflit nucléaire. Rusk insiste aussi sur la nécessité d'informer les alliés et le peuple américain. Le même jour, Kennedy rencontre à la Maison-Blanche le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko. Or, celui-ci n'a pas l'air franchement au courant de la présence des missiles. Ouais. Et c'est quoi? C'est de la duplicité? Oh, pas forcément. Khrouchtchev a agi dans le plus grand secret, je vous le rappelle. Et Gromyko n'est pas membre du Politburo. Le lendemain, 19, les U-2 multiplient leur survol de l'île. Et au vu des photos prises, les experts estiment que 8 missiles nucléaires sont devenus opérationnels. Ce qui prouve une nouvelle fois que pour aboutir à de telles conclusions, les services américains sont parfaitement au courant des procédures utilisées par les artilleurs soviétiques. Alors toujours cette taupe-là. Oui, le vin. La situation devient si tendue que Kennedy, prétextant un mauvais rhume, annule toutes ses réunions électorales à travers le pays. Ouais. Et où en est-on alors des diverses solutions envisagées ? Les colombes préconisent les pressions diplomatiques et même une approche secrète de Castro, tandis que les faucons en tiennent toujours pour l'invasion et les frappes aériennes. Mais une autre solution se profile, le blocus naval, c'est-à-dire la mise en quarantaine de Cuba, car les livraisons soviétiques continuent. Et c'est ça, c'est l'option qui va l'emporter. Hein. Oui, ouais. À l'issue d'un vote du comité. Cependant, les faucons n'ont pas dit leur dernier mot. Et l'option du bombardement aérien revient régulièrement sur le tapis. Le 22 octobre est une journée importante. La veille, Kennedy a averti le général de Gaulle et le premier ministre britannique Macmillan, et c'est fort de leur soutien qu'il prononce un discours télévisé qui fera date. Kennedy demande au Kremlin de retirer ses missiles, annonce le blocus naval de Cuba et surtout il menace. Une parenthèse, voici un bref extrait de cette allocution historique. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba. La phrase essentielle de ce discours est celle-ci. Je vous la lis. Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coup d'une guerre nucléaire mondiale. Mais nous ne nous déroberons pas à ce risque à quelque moment que nous ayons à y faire face. Puis Kennedy déclare encore « La politique de notre pays sera de considérer tout lancement de missiles nucléaires à partir du sol cubain contre toute nation de l'hémisphère occidental comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, appelant en représailles une riposte complète contre l'URSS. » Cette allocution provoque un choc dans l'opinion américaine. Incontestablement. Selon un sondage, les Américains pensent majoritairement que la Troisième Guerre mondiale est proche. Mmh. Et à Moscou, quelle est la réaction ? Khrouchtchev est très irrité. Il déclare que la quarantaine de Cuba est un acte d'agression qui risque de provoquer une guerre nucléaire. Par conséquent, il refuse d'obtempérer et de retirer ses missiles. En réponse, Kennedy décide la mise en alerte maximale des forces stratégiques, c'est-à-dire le dernier stade avant la première salve atomique. Pratiquement, ça signifie que 60 B-52 porteurs de bombes H vont évoluer sans relâche dans le ciel européen, prêts à mettre le cap sur le territoire de l'URSS. La tension augmente encore. Et sans exagérer, on peut affirmer que le monde est alors au bord du gouffre. Le 23 octobre, Khrouchtchev, dans une lettre très violente, annonce à Kennedy que ses navires forceront le blocus naval états-unien. Mais on apprendra plus tard que c'est un coup de bluff. En réalité, le maître du Kremlin cherche à gagner du temps, car il a donné l'instruction inverse au commandant de ses cargos. Le lendemain, le secrétaire général de l'ONU, le Birman ou Tante, suggère une solution aux deux grands. L'URSS suspend ses livraisons d'armes à Cuba, les USA lèvent leur quarantaine et on ouvre des négociations. Oui, ça paraît raisonnable. Oui, mais ça n'empêche pas la crise de monter encore d'un cran. La CIA en effet établit que dorénavant 5 batteries de missiles nucléaires sont prêtes à l'emploi. Ce sont donc des centaines de bombes petites Hiroshima qui peuvent tomber à tout moment sur New York ou Washington. Résultat, les militaires américains s'énervent et supplient JFK de réagir en bombardant les sites de fusées. Heureusement, Kennedy refuse. Mais il n'est pas le seul à être soumis à d'intenses pressions. Khrouchtchev aussi. Et lui, c'est des pressions de qui ? Castro. Castro qui pousse Khrouchtchev à passer à l'action, parce que le dirigeant cubain est persuadé que les Américains vont incessamment attaquer. Il a d'ailleurs envoyé une lettre désespérée au Kremlin. Il demande donc à Khrouchtchev de prendre l'initiative de l'offensive. Et ce dernier est ébranlé. Mais quand il découvrira que Fidel a tout inventé, il lui en voudra durablement. mettant l'attitude du Cubain sur le compte, je cite, « d'une passion révolutionnaire irresponsable », ce qui explique que, par la suite, Khrouchtchev fera tout pour éviter que les missiles ne tombent entre les mains de Castro. Oui, parce que le leader Maximo l'avait demandé à les conserver. Hein. Au moins ceux qui n'auraient pas été découverts par les Américains, en tout cas. On sent qu'un apaisement devient possible. Le 26 octobre, Khrouchtchev envoie une nouvelle lettre à Kennedy. Il demande des garanties pour Cuba. Oui, au cas où il retirerait ses armes nucléaires. Et bientôt, une autre missive arrive. Et pour être sûr que Kennedy la lirait à temps, Khrouchtchev la fait diffuser par Radio Moscou. Le numéro 1 soviétique propose de lier la présence des missiles à Cuba à celle des fusées présentes en Turquie. Pour la première fois, il évoque des retraits réciproques de missiles. Ouais, la crise est en voie de résolution. Parce que les deux grands se sont fait très peur. Vous connaissez la suite. Khrouchtchev va accepter le retrait de ses missiles et donne l'ordre à ses cargos de rebrousser chemin. Tandis que Kennedy met fin à la quarantaine et s'engage à ne pas envahir Cuba. Et même à désarmer secrètement ses missiles de Turquie dans les mois qui suivent. Mais bien sûr... aucun des deux grands ne reconnaîtra avoir cédé. Même si, enfin, de l'avis général, hein, on considère que c'est plutôt Kennedy qui a gagné. C'est vrai. Et je vous l'ai dit, Khrouchtchev le paiera fort cher. Mais il vous faut savoir que si on a résolu la crise, c'est aussi le résultat d'une étrange et secrète négociation. Je vais vite, car j'ai déjà été long. Le premier interlocuteur soviétique, celui qui avait l'oreille de Bob Kennedy, a été déconsidéré à cause de ses mensonges répétés. Mais un autre homme du KGB est entré en scène, un certain Alexandre Feklistov. Cet agent est très lié à un journaliste américain influent, John Scully, un ami personnel de JFK. Pendant la crise, les deux hommes se rencontrent souvent. Ah oui, et ils rendent compte. Aussitôt, l'un au Kremlin via sa centrale, l'autre à la Maison-Blanche. Et c'est ainsi que ces deux hommes ont ébauché dans le calme d'un restaurant de Washington l'accord qui devait mettre fin à la crise. Feklistov, c'est en tout cas ce qu'il a expliqué bien plus tard, a prononcé une phrase décisive lorsqu'il a dit « Si vous, les Américains, attaquez Cuba, l'URSS ripostera un autre endroit du monde. » Où ? A demandé l'autre. La réponse était prévisible. Ouais. Berlin Ouest. Bah, bien sûr. Et le soviétique d'annoncer que tout était prêt pour qu'en seulement quelques heures, les chars soviétiques déferlent dans Berlin Ouest et s'en emparent. Et ça, ça a ébranlé Kennedy ? Sûrement. Nous en reparlerons la semaine prochaine de la crise des missiles, car j'ai encore quelques informations surprenantes à vous livrer et surtout à vous parler de cette taupe, Oleg Penkovsky, qui a joué un si grand rôle dans cette affaire. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et nous communiquer vos impressions. Rebecca Nonant a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et orné de belles petites notes de musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.